Oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Bon, après, il n'y a pas que les méchants que je voudrais tuer, mais bon, j'ai fait cette chanson parce que le reste ça aurait été censuré. Par exemple, je vais pas faire une chanson il faut tuer les gauchistes, tuer les salariés et tuer les patrons. Quoique, tuer les patrons c'est de gauche, donc ça pourrait passer. Mais oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Oh là là, moi je voudrais tuer les méchants. Si j'ai pas une victoire de la musique avec ça.